portique, que les soleils marins teignaient de mille feux, et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques. D'une façon solennelle et mystique, les tout-puissants accordent leur riche musique aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux. Le secret douloureux qui me faisait languir, et dont l'unique soin était d'approfondir. Le secret douloureux qui me faisait languir. Le secret douloureux qui me faisait languir.